À l'occasion du 71e anniversaire de la fondation du Parti du Travail de Corée, ont eu lieu des rassemblements en Tchèque et en Angola. Y ont pris part des personnalités de différents milieux et autres habitants des pays hôtes. Les orateurs ont dit que le Parti du Travail de Corée est une organisation révolutionnaire invincible qui a obtenu seulement la victoire en prenant pour ses directives les idées des leaders et en honorant toujours les grands leaders. Ils ont souligné que grâce à son excellence M. Kim Jong-un, qui continue brillamment la pensée et la cause du président Kim Il-sung et de son excellence M. Kim Jong-il, le peuple coréen connaîtra toujours à l'avenir aussi la victoire et la gloire. Par ailleurs, un meeting commémoratif des partis politiques péruviens consacré au 71e anniversaire de la fondation du Parti du Travail de Corée s'est déroulé à Lima.